originaire d'une banlieue proche d'une porte parisienne. J'ai les proches qui me soutiennent, même en temps de guerre. Ici c'est le chaos, que des chécros, des gépros qui s'écroulent comme les rêves, un zepze pequeño. Les juges allument, font du zèle, allonge ton zeille au paveux. Au pied du mur, ma liberté vaut tout l'or du monde. Pour tous les favelas du globe, dans l'œil du cyclone. Narco, trafiquant, navigant en mer agitée sur une pirogue. Une rage intacte, après 40 siècles d'esclavage. Faut-il qu'une figure noire meure pour qu'on lui rende hommage? Les chiens poubelles ont grand cœur, les hommes puissants ne pardonnent pas. C'est face au danger qu'on reconnaît les braves. Ils veulent nous salir, Zidane sur un coup de tête. Touche pas nos idoles parce que c'est tout ce qui nous reste, surtout à la tête. Pour faire ses valises, faut d'abord tout dévaliser. Les grands voleurs sont les costards cravates de l'Elysée. À force de tuer nous. Pardonne, ouais, à force de tuer nos rêves. Regarde où ça nous emmène. Tout ce qu'on a fait nous emprisonne. Et notre petit cœur d'homme, seul Dieu le pardonne, ouais. L'Afrique est le plus bel endroit pour un retour aux sources. Je sais l'éclat de mes lauriers ne vaut pas ce qu'elle coûte. Quand la torture m'interroge, c'est la douleur qui répond. Afin de ne pas oublier l'effroyable injustice de ce monde, l'Europe extermina le peuple d'Amérique. Esclavage à nos frères pour défricher les terres de leur empire. L'homme n'a pas besoin d'une raison mais juste d'une excuse. Nageant avec espérance vers une rive inconnue. L'ennemi est invisible frère mais pourtant si proche. Déconne pas quand les balles ricochent sur les blocs de béton. Dog, c'est un appel à l'éveil de la rébellion. Dog, c'est toujours les mêmes pour commettre une infraction. Les temps en détention n'arrangent pas notre arrogance. V'là pourquoi le charbon fait plus de thunes que la prudence. Comprendre l'esprit malfaisant, c'est se rabaisser. Donc allez tous vous faire baiser, bande de petites merdes. Nous désarmant comme le Hezbollah, Thomas. D'ailleurs ils sous-estiment la race des jeunes du ghetto. Le savoir est une arme qui nous délivre des morsures du crotal. Quand l'ignorance peine à sortir de sa cavale. J'ai pas confiance en cette fille qui m'a laissé sur le côté. Comme un chien elle m'a abandonné. J'ai eu le temps de comprendre mais pas le temps de digérer, ouais. Les gens c'est le passé qu'on m'a volé. Alors je me sens proche de toi si on t'a oublié. Proche de toi si dans la bataille tu ne veux pas. Je te sais mon frère, si ton existence baigne dans le danger. Si on a tant souffert, c'est pour que nos enfants puissent enfin briller. À force de tuer nos rêves, regarde où ça nous emmène. Tout ce qu'on a fait nous emprisonne. Et notre petit cœur d'homme, seul Dieu le pardonne, ouais. Dieu le pardonne, ouais. À force de tuer nos rêves, regarde où ça nous emmène. Tout ce qu'on a fait nous emprisonne. Et notre petit cœur d'homme, seul Dieu le pardonne, ouais. Chez nous, même les coupables sont des innocents. Oui, oui. Seul Dieu le pardonne, ouais. C'est un appel à l'éveil de la rébellion. Seul Dieu le pardonne, ouais. Oui, oui.